J'ai rêvé que le monde soit fort, j'ai rêvé que le monde s'en sort, j'ai rêvé que le monde s'endorme, qu'on vive le monde rêvé par tant d'hommes. J'ai rêvé de confort et même des sorts, qu'on s'informe sans effort, sans loi ni sans réforme, qu'on s'affirme et qu'on s'informe, qu'on avance plus comme des fantômes, dans le tort et le désaccord, dialogue des sourds, on est d'accord, sans amour ni corps à corps. J'ai rêvé d'un meilleur décor, j'ai rêvé d'un monde en or, qu'on implore et qu'on honore, qu'aucun homme pleure levant son doigt d'honneur. J'ai rêvé qu'on pète le sport, d'amour et du bonheur. J'ai rêvé que le monde soit stone et chaque jour fait boum au cœur. J'ai rêvé d'un monde sans fin, sans flingue ni sans phosphore. Mets ta ceinture, le son à fond. J'ai rêvé de joie sans métaphore. J'ai rêvé de réconfort, sans souffrance ni sentiment. Tout le monde à bord de la même barque pour poursuivre le même nord. Débarquons sur le même port. J'ai rêvé d'un monde sympa, mais encore, encore, encore. J'ai rêvé d'un monde rêvé, si parfait, nous on serait fort. On se veut et plus de mal, j'ai rêvé si fort. Mais pour l'instant, le récit de la vie n'est pas un conte. Tout ça, c'est des rêves, prends bien ça en compte. J'ai rêvé d'un monde rêvé, si parfait, nous on serait fort. On se veut et plus de mal, j'ai rêvé si fort. Mais pour l'instant, le récit de la vie n'est pas un conte. Tout ça, c'est des rêves, prends bien ça en compte. J'ai rêvé que plus personne ne fasse la manche pour 20 centimes. J'ai rêvé que plus personne ne meure dans des incendies. J'ai rêvé d'être au sommet, je suis tombé dans l'insomnie. J'agonise, les textes sont ouverts et dévoilés comme des autopsies. J'ai rêvé qu'on s'apprécie dans un monde sans barbarie. Qu'on ne chiale pas pour un sac Burberry et un Blackberry. J'ai rêvé que le rap redevienne celui de quand j'étais petit. Qu'on écoutait sans cesse le rap sincère et véridique. J'ai rêvé d'un monde beau tout comme le paradis. Qu'on ne peut pas rater, le soleil brise sur nos parapluies. J'ai rêvé de paix sans irrespect ni tasser. Où l'état c'est qu'il a tort et qu'on arrête d'applaudir Richard Gasquet. J'ai rêvé que t'arrives à lire mes textes même avec une Alexis. Qu'on puisse évader si loin jusqu'à changer de galaxie. J'ai rêvé de sortir une mixtape, un maxi. J'ai rêvé de retomber sur terre, appelez-moi un taxi. J'ai rêvé d'un monde rêvé, si parfait, où on serait fort. On se ferait plus de mal, j'ai rêvé si fort. Mais pour l'instant le récit de la vie n'est pas un conte. Tout ça ne sont des rêves, prends bien ça en compte. J'ai rêvé d'un monde rêvé, si parfait, où l'on serait fort. On se ferait plus de mal, j'ai rêvé si fort. Mais pour l'instant le récit de la vie n'est pas un conte. Tout ça ne sont des rêves. C'est reparti gauche, tiens à te dire que j'ai rêvé qu'on soit tous égaux. Peu importe la couleur de peau, dépasse pas les limites de ton ego. Ne laisse personne te dire que t'es pas beau, te faire écraser comme un mégot. J'ai rêvé de revoir Garbiche comme Matteo et Mesgo. J'ai rêvé de monter sur la scène devant des milliers de spectateurs, faire un show spectaculaire, fini le rap amateur. J'ai rêvé que tous mes vœux se réalisent, que nos vies s'éternisent, de souffler les bougies et que tout prenne vie, mais j'avise car j'ai rêvé d'un monde rêvé si parfait où l'on serait fort. On se ferait plus de mal, j'ai rêvé si fort. Mais pour l'instant le récit de la vie n'est pas un conte. Tout ça ne sont des rêves, prends bien ça en compte. J'ai rêvé d'un monde rêvé si parfait où l'on serait fort. On se ferait plus de mal, j'ai rêvé si fort. Mais pour l'instant le récit de la vie n'est pas un conte. Tout ça ne sont des rêves, prends bien ça en compte. C'est reparti bouge, je dois te dire que j'ai rêvé qu'on soit tous égaux. Peu importe ta couleur de peau, dépasse pas les limites de ton ego. Ne laisse personne te dire que t'es pas beau, te faire écraser comme un bigot. J'ai rêvé de revoir Garbiche comme Matteo et Mesgo. J'ai rêvé de monter sur la scène devant des milliers de spectateurs, faire un show spectaculaire, fini le rap amateur. J'ai rêvé que tous mes vœux se réalisent, que nos vies s'éternisent, de souffler les bougies et que tout prenne vie, mais j'avise car